Chapitre 13. Mais va, ma fille, non pas cette aubaine, et pour revenir à mon histoire de coups de bâton, je te dirai qu'après la bastonnade, mon fils et moi nous remontons en voiture, pendant que notre courrier et nos deux valets de chambre tenaient en respect ce mauvais homme de la bande noire. Et puis, fouette, postillon. Les 6 chevaux de notre berline repartent comme le vent, et ni vu ni connu le charabia. Se battre avec monsieur le marquis, dit Herbinette rassurée par le courage de sa maîtresse. Il n'était pas dégoûté, ce bourgeois. Ainsi, pour en revenir à notre ermitesse de la bicoque, son honnête mari est donc de la même et abominable séquelle que l'homme au coup de bâton? Oui, madame, mais on ne le voit presque jamais, il est toujours voyageant de ci, de là. Ah, il n'est jamais chez lui. Mais sais-tu, Herbinette, c'est que ça se trouverait joliment bien, ça, reprit la douairière en réfléchissant, puis elle ajouta. « Dis-moi, ma fille, est-ce que c'est vrai qu'elle est jolie, cette petite? Comment l'appelles-tu? Bastien. » « Cette petite Bastien. Belle comme le jour, madame. Tenez, vous rappelez-vous, madame la maréchale de Rubempré? Oui, et cette petite est aussi belle, si ce n'est plus. Et ça a de la taille? Une taille de nymphe. C'est bien ce que Raoul m'a rabâché quand il l'a eu rencontrée dans les champs. Mais qu'est-ce que c'est que ce grand dadais de garçon jaune comme un coin qui était avec elle? Est-ce que m'a dit Raoul quelques flandrins de frères, probablement? Alors pour qu'il ne gêne point, et la marquise prit son tabac, on pourrait vous fourrer ça au château dans les bureaux de l'intendant, avec 1200 livres de gage. Ah, pour le coup, madame, s'écria Herbinette en se levant très effrayée et regardant du côté de la caverne avec épouvante. On a remué, avez-vous entendu? « Oui, j'ai entendu, » répondit l'intrépide douairière. « Eh bien, après ?»« Madame, venez, sauvons-nous vite. Laisse-moi donc tranquille. »« Mais mon Dieu, madame, ce bruit !»« Eh eh !» reprit la marquise en riant. « C'est probablement l'âme de ce pauvre président qui revient compter 1, 2, 3, 4, etc. Allons, assieds-toi là et ne m'interromps plus, ou sinon... »« Madame, vous êtes toujours un vrai dragon pour le courage. »« Pardi !» « Beau courage, quelques bêtes de nuit, quel corps frais qui est avolté dans ce trou. »« Enfin, madame, ça n'est pas rassurant. »« Voyons, réponds-moi, qu'est-ce que c'est que ce flandrin de garçon que Raoul a rencontré avec cette petite Bastien? C'est un frère, hein ?»« Non, madame, c'est son fils. »« Allons donc, son fils, mais alors ?»« Elle s'est mariée très jeune, et elle est si admirablement conservée qu'elle ne paraît pas avoir plus de 20 ans, madame. »« C'est ça. » Raoul y a été pris, car il m'a dit « Grand-mère, figure-toi des yeux bleus longs de ça, une taille à tenir entre les 10 doigts, une figure de camée, et 20 à 22 ans au plus. » Seulement, a ajouté ce cher enfant, elles sont si peu habituées aux gens de bonne compagnie, ces bourgeoises, que celle-là a ouvert ses grands yeux tout grands, ayant l'air de me regarder comme un phénomène, parce que je lui rapportais poliment son mantelet que j'avais ramassé. Mais, innocent, ai-je dit à Raoul, puisqu'elle était si jolie, cette petite, et qu'elle te regardait avec de si grands yeux, au lieu de lui rendre son mantelet, il fallait le garder, et aller le lui rapporter chez elle. Ça t'aurait fait entrée de jeu. Mais grand-mère, m'a riposté ce cher enfant avec tout plein de bon sens. Ce n'est qu'en lui rapportant son mantelet que j'ai vu qu'elle était si jolie. C'est égal, madame. Monsieur Raoul aurait pu retourner chez la petite Bastien 2 ou 3 jours après. Elle aurait été ravie de recevoir monsieur le marquis, quand ça n'eût été que pour faire crever de rage toute la bourgeoiserie du pays. C'est ce que je lui ai dit à ce cher enfant, mais il n'a pas osé. Un peu de patience, madame, il faudra bien qu'il ose. Dis donc, ma fille, reprit la douairière après un assez long silence, et en aspirant lentement et d'un air méditatif sa prise de tabac d'Espagne. Sais-tu que plus je songe à cette petite Bastien, plus je trouve que pour toutes sortes de raisons, ça serait charmant pour ce cher enfant, et que, si ça se pouvait, ce serait une fameuse trouvaille. J'allais vous le dire, madame. Aussi, ma foi, faut-il battre le fer pendant qu'il est chaud, répondit la douairière après de nouvelles réflexions. Quelle heure est-il, Herbinette? 4h30, madame, répondit la suivante en regardant sa montre. Très bien, nous aurons le temps. Ce matin, quand il est parti pour aller passer la journée à Boncourt, chez les Merinville, j'ai promis à Raoul d'aller au-devant de lui par l'étang des loges, sur les 5 heures. Allons, Herbinette, en route. Je veux tout de suite chapitrer Raoul à l'endroit de cette petite Bastien. Mais, madame, vous oubliez que Monsieur Raoul a renvoyé son palefrenier pour vous dire qu'en partant de Beaucourt, il irait faire une visite au Moutel et qu'il ne reviendrait au château que sur les 7 heures pour dîner. Tiens, c'est ma foi vrai, ma fille, je n'y pensais plus. Car sa route à ce cher enfant provenait de Montel et par la cavée de la vieille coupe. J'aurais une peur de loup dans la descente, car je suis devenu poltronne en voiture. Puis d'ailleurs, il n'est que 4 heures et demie. Il faudrait aller trop loin au-devant de mon petit-fils. Je le sermonnerai aussi bien ce soir au sujet de l'ermitesse. Et puis, madame, le soleil baisse et le froid du soir vous est mauvais. Allons, Zerbinette, ton bras. Mais laisse-moi donc encore une fois la regarder, cette pauvre roche du grand cire. Oui, madame, mais pour Dieu, n'approchez pas trop près. Malgré la recommandation de Zerbinette, la marquise avança, et jetant un regard presque mélancolique sur ce site sauvage, elle dit « Ah, les roches, ça ne change pas. La voilà bien comme il y a 60 et tant d'années. » Puis, après un moment de silence, et s'adressant gaiement à Zerbinette, qui se tenait prudemment à l'écart, la marquise ajouta « Dis donc, ma fille, madame, cette bonne histoire de l'orfraie m'a mise en goût de me souvenir. Je crains bien que ça m'amuserait de griffonner, comme qui dirait nos mémoires. Ah, madame, la bonne idée. Ça servirait à l'instruction de mon petit-fils, » ajouta la douairière en riant aux éclats, hilarité que partagea Zerbinette. Pendant quelques moments encore, l'on entendit, au milieu du silence de la forêt, le bruit du rire chevrotant des deux octogénaires. Lorsque le bruit eut cessé tout à fait, Frédéric, livide, effrayant, sortit des ténèbres de la grotte où il était caché et d'où il avait entendu l'entretien de la marquise douairière, de Pontbriand et de Zerbinette.